Bonjour, merci pour votre accueil. Alors c'est un thème qui est encore assez original. On va voir si ça se maintient comme un élément original ou si ça devient vraiment un élément dominant. Il s'agit des crypto-monnaies d'État. Donc alors je ne sais pas si certains d'entre vous... Plus près? Là c'est mieux? Comme ça j'harangue les foules autour. Ok. Alors oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers vraiment avec les notions de blockchain. Je ne sais pas. Enfin, donc je vais vous donner quelques éléments un peu de base de compréhension alors. Alors la blockchain c'est un système de registre distribué. C'est une technologie qui a déjà on dit 10 ans parce qu'on prend comme base Bitcoin, mais il y a quand même des antériorités déjà dans les années 90. L'idée du registre distribué, c'est qu'au lieu d'avoir un administrateur central, comme on a dans un système de base de données classique, par exemple sur Facebook, où on sait voilà, que c'est vraiment l'entreprise Facebook qui détient les données, là, c'est éclaté dans une pluralité de serveurs. Donc du coup, en termes de validation et de possibilité de modifier le contenu, ça nécessite en fait l'accord de ces différentes parties. Et donc pour intégrer du nouveau contenu, c'est pareil, et on peut vraiment s'assurer qu'il y a une infalsifiabilité des choses. Alors, il y a plusieurs types de blockchain. Il y a des blockchains qu'on appelle preuve de travail ou proof of work. C'est Bitcoin. L'idée de ces blockchains-là, en fait, c'est qu'à partir du moment où on donne de la puissance de calcul, donc de l'énergie, on paye quelque chose et de fait, on est légitime pour valider le contenu, en fait. Donc, valider l'inscription sur le registre. Alors, ça, il y a eu beaucoup de critiques sur les aspects écologiques de la chose. Dans la mesure où ça nécessite de la puissance de calcul, donc de l'énergie. Il y a des alternatives à ça qui sont la preuve d'enjeu et qui sont peut-être une approche assez capitalistique de la chose, dans la mesure où c'est les personnes qui ont le plus d'unités de valeur qui sont légitimes en fait pour valider le contenu suivant. On considère que eux, de toute façon, sont très impliqués sur la chaîne, donc qui vont pas avoir comme volonté de l'altérer. C'est ça la logique sous-jacente. Et après, il y a les preuves d'autorité. Ça revient un peu à un modèle central avec une forme de légère décentralisation, c'est-à-dire qu'on a une pluralité d'acteurs qui disent, voilà, bon, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la crypto-monnaie de Facebook, le Libra, là. Donc ça, en fait, l'idée derrière ça, c'est que Facebook a lancé un système avec des grandes entreprises du numérique, des grandes banques, pour créer une nouvelle crypto-monnaie, donc une nouvelle unité de valeur qui vise des pays principalement comme l'Inde et des pays africains aussi. Là, on a vu aussi une évolution de ça parce que il y avait quand même beaucoup de pays africains qui étaient rattachés donc au franc CFA. On voit que ça évolue vers l'écho. Il y a un petit peu un renouveau monétaire et un détachement vis-à-vis de ce qui est fait par la Banque de France et la relation entre ces pays de l'Ouest, ces pays de l'Afrique centrale et de la France. Et donc là, il y a un peu comme une place à prendre. Facebook l'avait bien vu. Et donc là, en fait, dans ce modèle-là de preuve d'autorité, alors eux, ils n'ont pas encore complètement défini ce qu'ils allaient faire, mais ils peuvent faire ça. L'idée, c'est que chacun des acteurs, chacune de ces grandes entreprises va vérifier que l'autre ne fait pas n'importe quoi, en fait. Voilà l'idée. Mais là, ça, bon, on voit bien que initialement sur les crypto-monnaies, l'enjeu de base, c'est se dire, voilà, est-ce que le fait de battre monnaie, c'est quelque chose de régalien? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un élément de souveraineté et seul l'État ou seules les banques centrales peuvent battre monnaie. Alors on a vu avec Bitcoin que bon il y a eu énormément d'autres projets avant. Hein. Je veux dire il y a eu des projets de monnaie locale. Enfin c'est pas du tout la première expérience, mais c'est une expérience qui permet finalement de le faire sans pouvoir être repéré. C'est-à-dire que la personne qui a créé Bitcoin, on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait même pas si c'est une personne, 10 personnes, des chercheurs, des entrepreneurs, s'il est mort, on ne sait pas. Donc ça crée quand même un peu d'anonymat au niveau de la création. C'est-à-dire que pour monter des modèles alternatifs dans un système autoritaire, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à envisager. On voit d'ailleurs que le Venezuela, ça a été vraiment un des premiers, voire le premier pays, un peu, on va dire, le vrai, premier vrai État et pas un État offshore, à créer sa propre crypto-monnaie. Et eux, l'enjeu, au moment de la création, ça a été porté par le président. Il y a eu vraiment un discours autour de ça et on voit que ça, il y a une vraie dynamique. Hein. Ils ont créé le pétro pour contourner l'embargo américain. Ils étaient dans une situation un peu bon, paradoxale où ils avaient quand même du pétrole à vendre, notamment à la Chine. À d'autres grands pays qui n'étaient pas forcément opposés à leur régime, même culturellement et philosophiquement, mais qui, du fait de l'embargo américain, avaient été pas forcément en capacité facilement d'échanger avec eux sur, on va dire, une devise acceptable pour les deux parties. Et ça, c'était un moyen d'indexer en fait leurs réserves de pétrole sur leur monnaie et donc de créer des garanties. C'était assez intéressant. Mais au-delà de cet aspect-là, en fait, je vous avais parlé de Bitcoin, mais il y a une autre évolution assez intéressante dans cette technologie, c'est l'avènement d'Ethereum, qui est une autre blockchain qui a une particularité, c'est de permettre en fait de programmer la monnaie. Et ça n'existait pas avant. Programmer la monnaie, c'est nouveau, et c'est surtout programmer la monnaie dans un univers décentralisé. Donc en fait, vous imaginez un système comme Linux, par exemple, greffé sur une monnaie. Ça, c'est assez intéressant, je pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que des grands États s'intéressent à la question. S'il n'y avait pas cette programmabilité, je pense qu'on aurait des réglementations beaucoup plus fermes sur la blockchain. C'est le cas dans certains pays. Mais on voit par exemple que la Chine, qui est toujours opposée au lever de fonds en crypto-monnaie, est en train de créer sa propre crypto-monnaie d'État, avec comme perspective justement passer des contrats avec d'autres pays sur cette crypto-monnaie-là. Et avoir des systèmes où on peut automatiser les remboursements, par exemple des sommes prêtées dans cette crypto-monnaie-là. Donc ça, c'est assez nouveau. Ça permet aussi, alors, vraiment beaucoup de choses dans l'économie sociale et solidaire. Des choses comme la tontine, enfin, ça s'y prête très très bien en fait, la blockchain. On peut repenser en fait des modes de financement de pair à pair. Parce qu'effectivement, là, on n'a pas une autorité centrale. On n'a pas, par exemple, un Uber pour les taxis, pour les VTC. Là, finalement, c'est des personnes qui se mettent ensemble, qui cotisent pour payer un prestataire qui va faire une plateforme, qui va faire de la maintenance. Et eux, derrière, ils sont entre pairs ou ils sont avec des personnes qui ont contribué au départ. Et donc, bah, il y a le consommateur, il y a le taxi ou il y a le VTC. Et l'intermédiaire, finalement, c'est... Il n'y en a pas. C'est une structure qui a été, voilà, qu'on peut interchanger, c'est décidé par les différentes personnes. Alors, ça me permet de rebondir sur une autre notion assez importante dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle les DAO. C'est les organisations décentralisées. Alors, en fait, je vous ai parlé d'unité de valeur tout à l'heure. Donc, l'unité de valeur, on se dit, voilà, c'est ce qu'on appelle souvent une crypto-monnaie ou un token. Alors, on peut avoir simplement une valeur associée à ça, mais on peut aussi avoir des dividendes, comme en droit des sociétés classiques. Où on peut avoir aussi des droits de vote, par exemple. Et alors, ça permet, par exemple, de gérer une association de manière complètement dématérialisée, de voter pour des projets, sans avoir à passer par bah, le président de l'association ou des bulletins. Ou voilà, ça permet vraiment de simplifier ce type d'opération. Et là, en fait, justement, pour les crypto-monnaies d'État, il y a quand même un enjeu autour de la gestion des greffes de tribunaux de commerce, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, il y a vraiment une démarche de dépôt, hein, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein. En France, on parle souvent de la lenteur administrative. Elle est quand même réelle par rapport à d'autres pays. Hein. Je pense que pour créer une entreprise à Hong Kong, ça doit être à peu près 50 fois moins long qu'en France. Donc, il y a une lenteur. Ça permet de faciliter les choses et en plus de créer une vraie traçabilité dans le temps sans passer par une autorité centrale. Donc ça fait quand même un peu peur aux greffes, des tribunaux de commerce qui sont quand même des entités qui sont, on va dire, presque semi-publiques aujourd'hui. Donc il y a quand même un business derrière ça. Les greffes du tribunal de commerce, ce n'est pas les greffes du TJ. Un greffe du tribunal de commerce, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent. Un greffe du TJI, c'est un fonctionnaire. Voilà, donc c'est vraiment pas les mêmes personnes hein, quand même derrière ça, il y a une économie hein, qui est créée. Donc là, on est sur leur plate-bande entre guillemets si on déploie des systèmes comme ça. Et en plus, ça permet de créer une approche un peu mondialisée. On n'est pas rattaché aux greffes du tribunal de commerce de Bobigny. On est sur bah, une blockchain qui potentiellement permet à une personne qui est au Pérou d'accéder à des données au Japon, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça, sans payer de frais, sauf peut-être des frais de transaction qui permettent simplement en fait à la blockchain de se maintenir en termes de gestion de registre, ajouter de nouveaux éléments, pour appeler en fait du contenu dans la base de données, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu le contexte. Aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a, à côté du système un petit peu Bitcoin, un peu crypto-anarchiste, on a une première voie qui est celle des grandes entreprises avec Libra et une troisième voie qui est celle des grands États qui se positionnent. On a la Chine avec le DCEP qui souhaite peut-être aussi faire des jonctions entre cette crypto-monnaie d'État et le système qu'ils ont un peu mis en place en Chine de crédit social. Je ne sais pas si vous avez vu le crédit social en Chine, c'est l'idée que bah, il y a quand même de la vidéosurveillance partout. Les personnes font des opérations qui sont bah, justement checkées par l'État et on leur attribue bah, des points ou on leur en enlève. Par exemple, s'ils fument dans la rue à un endroit qui est inadapté pour ça, et ben, on leur enlève 3 points. S'ils accompagnent une vieille dame pour passer un passage clouté, on leur ajoute 5. Enfin, bon, c'est un peu simplifié, mais c'est ça l'idée. Et derrière, bah, s'ils sont trop bas, on leur dit qu'on leur prend leur passeport et ils ne peuvent pas partir à l'étranger. Et s'ils sont très hauts, bah, par contre, bon, il ne se passe rien, mais s'ils veulent monter au sein du parti, bah, peut-être que c'est plus facile. Voilà un peu l'idée. Donc nous, en Europe, on a la chance. Donc il commençait à y avoir des premières expérimentations en France pour faire un équivalent. Hein. Ce n'était pas présenté comme ça, mais c'était un peu ça. L'Europe a fait un moratoire de 5 ans. On a une vraie chance à ce niveau-là. C'est quand même étonnant que ça vienne de l'Europe. Voilà. D'habitude, c'est quand même eux les libéraux, etc. Et là, sur ces points-là, je pense qu'au niveau éthique, il y a vraiment un travail. Au niveau du Conseil de l'Europe, donc c'est pas du tout l'Union européenne, hein, il y a aussi des travaux sur la manière de penser l'IA de manière éthique. Il y a eu une première charte sur la manière de faire finalement de l'utilisation de l'IA dans le judiciaire, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être jugé par un robot, enfin avec, par un algorithme? Ça, il y a une charte qui a été créée en 2018, et là ils sont en train de voir comment on peut implémenter ça et certifier justement les outils à la fois privés et publics d'État. Donc ça, c'est bon, c'est une petite parenthèse, mais ça rejoint un peu aussi ces éléments-là. C'est-à-dire que de toute façon, on est en train de s'alléger d'administration d'éléments administratifs et qu'il y a une volonté de manière, on va dire, aiguë par la population aussi de reprendre le contrôle, d'avoir plus de transparence. Après, voilà, c'est des choses à équilibrer. Il y a encore la notion d'État qui est très très forte. Donc, tant que ça ne sera pas dépassé, des outils comme la blockchain seront quand même difficiles à implémenter de manière très très large. Et ce sera finalement des outils de néocolonialisme aussi pour certains. Je pense que la Chine, quand elle va aller s'adresser à des pays africains pour discuter de gros contrats d'investissement, elle va imposer sa crypto-monnaie d'État, elle va imposer des modalités qui ne seront peut-être pas celles qui seront préférentielles pour l'écosystème local. C'est à voir. Et du coup, on aura Libra qui proposera peut-être des taux inférieurs, qui proposera une alternative. Et voilà. Et alors, un élément qui est assez intéressant dans cet écosystème-là, c'est que vous avez en fait des protocoles blockchain. Bon, il y en a eu beaucoup qui ont levé quand même des sommes assez importantes ces derniers temps. Et en fait, ils essaient de plugger à leur système des usages. Donc des startups, des entreprises qui finalement ont, par exemple, permettent d'eurodater de la propriété intellectuelle, qui permettent de faire du financement social et solidaire, qui permettent de créer de la rareté pour des œuvres d'art, ce type de choses-là. Donc il y a une sorte de drain en donnant de l'argent en fait à ces petites structures-là. Et c'est une manière un petit peu nouvelle de gérer les choses. En France, par exemple, on a quand même l'habitude de. Vous me dites hein, au niveau du timing, hein, voilà, parce que bon, je peux en parler, voilà, donc faut pas hésiter à me couper. L'idée, c'est aussi de voilà, discuter. Donc, ouais, super. En fait, ce que je comprends pas bien, c'est les crypto-monnaies, elles ne rentrent pas dans la bourse internationale, dans le cours de la bourse. Est-ce qu'elles sont cotées au cours de la bourse? De vous répondre. Alors c'est une question qui est assez intéressante. Alors aujourd'hui en fait quand on entre en bourse, on doit quand même payer de l'argent, enfin une somme assez importante pour faire des procédures de conformité et pour aussi expliquer, on va dire, à quoi correspond l'action. Pour que le consommateur ne soit pas lésé, etc. Enfin, c'est ça la démarche. Il y a des bourses diverses. En fait, la bourse, ce n'est pas international. Il y a une bourse en France, il y a une bourse, voilà, enfin même à Paris. Il y a vraiment des bourses spécifiques avec leurs règles propres. Une entreprise peut être cotée dans différents pays, hein. Elle peut être à la bourse de New York, à la City. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus de blocage sur ça. Mais l'idée, c'est que en fait, quand on est une entreprise et qu'on rentre en bourse, on donne des actions, donc c'est-à-dire un droit à obtenir des dividendes et un droit de vote. Et ça, c'est sur un papier, en fait, hein. Dans l'idée, en fait, c'est un registre qui est tenu par l'entreprise à la base quand elle n'est pas cotée. Et après, en fait, c'est ça il y a une fluidité qui est créée en fait par l'entrée en bourse où on peut avoir dans un marché secondaire. Alors quand on entre en bourse, on est dans un marché primaire. L'argent arrive directement dans les caisses de l'entreprise, mais une fois en fait que toutes les actions sont rentrées en fait en bourse. C'est en fait des particuliers ou des entreprises ou des fonds qui échangent entre eux en fait en faisant des plus-values. Donc ça finalement ça presque c'est déconnecté un petit peu de la vie de la société, mais ça donne une image d'elle. Voilà. Et souvent par ailleurs la société finalement son président détient des parts, etc. Tout n'est pas en bourse. Enfin c'est pas systématique. Voilà. Donc ça c'est un aspect. Alors comment ça se passe dans la blockchain? Ça a été un petit peu confus au départ. C'est-à-dire qu'il y a des sites d'échange. Donc, c'est des personnes qui ont créé des sites et qui ont donné la possibilité aux gens d'échanger en fait leur Bitcoin contre de l'Ether ou des choses comme ça. Et après, on leur a donné la possibilité. Alors, au départ, moi, je me souviens, hein, au début, pour obtenir des Bitcoins sans faire tourner son ordinateur, on était obligé de rencontrer des gens à la sortie d'un métro comme ça et donner 50€ pour avoir un peu de Bitcoin, par exemple, parce qu'on voulait acheter des choses, un commerce un peu parallèle ou simplement tester, voir comment ça marchait parce qu'on était développeur, en gros. Et ça, on n'en est plus du tout là, et même ça fait déjà un certain temps, ça doit faire 6-7 ans, où en fait il y a eu ces sites qui sont apparus, et donc on mettait la carte de crédit, et on pouvait acheter du Bitcoin, de l'Ether, etc. Et après échanger vraiment cet Ether contre une autre crypto-monnaie, etc. Et l'idée, c'est que puisqu'il y a plusieurs monnaies sur ces sites, on peut les comparer entre elles et voir celui qui est le plus volatile, celui qui a le plus de valeur par rapport à l'autre. C'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. Et du coup, puisqu'il faut les introduire en fait sur ces marchés-là, et que les personnes, au moment où elles les créent, elles s'en gardent une certaine quantité, ça crée un système de levée, un système de levée de fonds en fait, au départ. Mais c'est très très proche d'une introduction en bourse, effectivement. Et donc du coup, il y a eu des questions autour de ça parce que on avait quand même l'habitude d'avoir des dividendes assurés, c'est-à-dire que quand on achète des parts de LVMH. Enfin, des actions de LVMH, on se dit voilà, je pourrais les revendre, c'est sûr, ou pas sûr, enfin si elle fait faillite, mais bon là il y a quand même assez peu de chances dans l'immédiat, mais on a aussi un droit à dividende, on a des droits de vote. Ça correspond dans l'imaginaire quand même à une partie de la société. La société nous appartient en partie, on se dit ça, on est actionnaire. Alors il y a 10 théories sur la question, hein, mais parmi ces théories, et même dans les théories on va dire les plus marxistes, on intègre effectivement, on appelle ça les stakeholders. C'est l'idée que il n'y a pas que l'actionnaire, il n'y a pas que le président, il n'y a pas que les fondateurs, il y a aussi par exemple les salariés et on va dire les entités qui sont touchées par ce business model-là. Après, il y a des approches plus dures, plus néolibérales, où finalement c'est quasiment l'actionnaire qui est vraiment au cœur de tout. Et même le président, on s'en fout s'il n'est pas vraiment actionnaire majoritaire, quoi. Bon, mais quoi qu'il en soit, avec les crypto-monnaies, ce qui était proposé, ce n'était pas forcément ça. Il n'y a pas eu au départ, maintenant il y en a, hein, une sorte de corrélation absolue entre l'action et sa transcription numérique que pourrait être la crypto-monnaie. Il y a des entreprises qui jouent à ça. Je crois que Fleur Pellerin fait sur une société. Ouais, je crois que ça s'est fait. Il y a 3-4 boîtes en France qui ont vraiment joué le jeu. Bon, c'est expérimental encore. L'idée, c'est vraiment de fluidifier les échanges, en fait, hein, l'idée. Et à mon avis, on va vers ça, hein, parce que c'est vraiment plus simple. Mais il faut que les greffes jouent le jeu, vraiment. Donc tant que ça s'est pas fait, voilà. Mais disons qu'en soi, cette émission de crypto-monnaie pouvait être décorrélée complètement en fait, de la valeur d'une entreprise. On avait des toutes petites entreprises, qui n'étaient même pas en bourse, qui par contre émettaient des crypto-monnaies pour un projet, pas pour une entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise, par exemple Kodak, je ne sais pas si vous avez suivi ça, Kodak a créé sa crypto-monnaie il y a 2 ans. Enfin, ça s'appelait Kodak One. Ils l'ont créé pour un projet en fait de blockchain pour les photographies. L'action Kodak a explosé. Elle s'est multipliée par 3 en 2 mois. Après, ça s'est écroulé. Enfin bon, peu importe. Hein. Mais la crypto-monnaie en fait était même pas encore émise. Et après, quand elle a été émise, dans une situation qui était un petit peu complexe. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Finalement, ça s'est fait avec des investisseurs privés classiques. Mais l'idée au départ, c'était de permettre un petit peu à tout le monde de mettre ses billes, s'il voulait, et dans une démarche simplement restreinte au projet en fait, de photographie. Et donc, ce qu'on obtenait, ce n'était pas forcément des dividendes. On pouvait obtenir le droit, par exemple, de protéger sa photographie pendant 10 ans, protéger 2000 photographies, un token ouvrant un droit à quelque chose qui pouvait être plus de l'ordre de l'achat en fait que du dividende et du fruit en fait sur le bénéfice de l'entreprise. Donc c'est notre posture. Et on peut avoir aussi les deux aspects, c'est-à-dire que si on avait par exemple une crypto-monnaie LVMH, j'imagine, on pourrait avoir par exemple un droit de vote dans l'entreprise LVMH, on pourrait avoir effectivement des dividendes, donc là on serait sur un système classique, mais on pourrait avoir aussi le droit de participer pour choisir ce qu'on veut avoir comme prochain sac Louis Vuitton dans une collection. On pourrait imaginer aussi de voter pour les conditions de travail dans les usines. On peut envisager des choses comme ça. Et ça peut être vraiment conçu grâce à ces smart contracts en fait, d'Ethereum, qui ouvrent vraiment des possibles. Vraiment, c'est assez intéressant dans le rapport aussi à la bonne gestion des entreprises, des États. Ça les met face aussi à leurs contradictions éventuelles et ça intègre un peu de démocratie liquide quand même dans tous ces systèmes. C'est pour ça que moi ça me plaît. Voilà. Après, bon, y a encore beaucoup à faire, ça c'est sûr. Et ça risque de pas forcément venir des. Enfin, après, voilà, hein, y a quand même des entreprises du libre qui ont bien fonctionné, qui marchent un peu sur ces modèles-là. Hein. Quand je pense à Red Hat par exemple, qui utilise Linux, ils arrivent à faire de l'argent sur du libre. Et c'est quand même quelque chose qui permet de bon, bah, faciliter quand même la production. Les développeurs s'en plaignent pas, contrairement à des outils qui peuvent être proposés par Apple ou des choses comme ça. On est sur des choses qui sont plus, on va dire, facilement accessibles et on a moins l'impression d'être vraiment un produit, quoi. Mais au-delà de ça, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Vous, bah, c'est peut-être le bon moment pour échanger. Hein. Bah écoute, merci, moi je découvre un peu le sujet, hein. D'ailleurs c'est super technique et je t'avoue que j'ai pas tout suivi parce que j'ai. Mais bon, en global, moi j'aurais quelques questions brèves. La première question c'est en fait dans l'économie mondiale, est-ce qu'on a un peu une idée de ce que représentent toutes ces crypto-monnaies ou par, en France ou dans le monde? Deuxième question, c'est je me demandais parce qu'aujourd'hui, par rapport aux États et par rapport aux projets anarchistes. Est-ce que, du coup, par exemple, si on prend la France, on prend l'euro, on dit, bon, ben, l'euro, il y a des dettes, l'État français est endetté, etc., etc. Donc, pour justement que les États ou que les peuples se libèrent, en fait, des dettes souveraines, est-ce que, justement, on pourrait utiliser des crypto-monnaies pour, en fait, s'émanciper des dettes, quoi, dans le sens où on créerait une crypto-monnaie, voilà, où les Français arrêteraient d'utiliser l'euro. Et du coup, ben, les banques ne pourraient plus nous. Enfin bon, tu vois un peu l'idée. Est-ce que la crypto-monnaie peut être un instrument d'émancipation par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir bancaire mondial ou des banques centrales, quoi. Et puis enfin, est-ce que les crypto-monnaies peuvent permettre justement de créer justement un système monétaire qui soit vraiment au service ben des gens, ben, qui ne soit pas contrôlé justement par des oligarchies financières ou par des banques centrales. Est-ce que ça peut être un instrument d'émancipation? Voilà, c'est un peu les questions que. Alors ben, je vais essayer de donner des éléments de réponse parce que j'ai pas d'avis définitif sur la question. Je pense qu'au départ, c'était quand même l'idée. Après, aujourd'hui, avec les crypto-monnaies d'État, on voit bien que. C'est difficile quand on est des êtres humains qui vivons dans des pays, dans des territoires, de s'émanciper complètement de ce qui fait régalien. Et quand les banques centrales veulent rentrer dans le jeu, eh ben elles le font. Je pense qu'il y aura peut-être un intermédiaire qui va sauter ou en tout cas être vraiment affaibli s'ils s'y prennent pas bien, c'est les banques commerciales, les banques privées. Là, pour le coup, je pense que si ces systèmes-là sont mis en place, finalement, on aura besoin de manière très périphérique de ces intermédiaires-là. Donc ça, je pense que, en tout cas, quand on parle de cette oligarchie-là, elle risque d'être un peu affaiblie si elle ne prend pas, en fait, justement, part aux mécanismes de consensus et si elle ne trouve pas d'autres moyens de financiariser la chose. Mais elle devra se réinventer, la banque commerciale, ça c'est sûr. Après, bon, si on veut rester dans des modèles d'État, je pense que c'est une question qui ne se pose pas. Si on veut effectivement une approche vraiment globalisante, c'est un très bel outil. C'est un très bel outil parce que ça permet facilement, c'est un petit peu comme une langue franca. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose un peu, je sais pas moi, de. On a un outil qui nous permet de partager une monnaie, quoi. Comme on peut partager une langue. Ça donne un outil un peu neutre. On n'a pas à se dire, bah voilà, telle monnaie et à tel taux, on va faire un système d'équivalence comme on avait fait pour l'euro qui était très lourd. On a vu qu'il y avait quand même là aujourd'hui, il y a quand même des discours qui expliquent un petit peu que bah, il y a quand même des États qui ont plus subi l'arrivée de l'euro que d'autres en raison des équivalences qui ont été proposées, etc. Bon, ça, si on est sur un système comme bah, Bitcoin, bah, ça se pose pas vraiment. Après, c'est un système d'opt-in, donc je pense qu'on est quand même loin d'une adoption de masse. Les gens ne veulent pas forcément aller vers ça, ils se demandent vraiment si c'est réel, si ça a sens. Quand j'entends moi, des personnes dire que, par exemple, l'or, ça fait sens et que le bitcoin, ça ne fait pas sens, je ne comprends pas. Parce que finalement, l'or, ça a une valeur historique, ça a une valeur technologique à la rigueur. Mais aucun des deux n'a une vraie valeur. Effectivement, l'or, bah, on peut en faire des bijoux, mais c'est esthétique, donc c'est culturel. Après, on peut l'utiliser pour éventuellement des produits électroniques. l'or. Mais bon, on n'est pas en manque à ce niveau-là. Hein. Donc ça n'a pas de... Bon, c'est la valeur qu'on lui attribue. Autant que on peut attribuer une valeur à bah, finalement un écosystème, une population, voilà. Hein. Donc là, on, je pense que il y a peut-être un point que j'avais, j'ai pas discuté du tout. C'est la question de, on est sur un modèle de monnaie fiduciaire, donc de confiance. Ce qui est proposé par la blockchain, c'est un modèle de preuve. Ça, c'est très intéressant. C'est, si ça vous intéresse, c'est un bon axe pour approfondir parce que là, en fait. Quand on est sur un modèle décentralisé, on part du principe qu'on est avec des personnes dans lesquelles on n'a pas confiance. C'est un peu une logique de théorie des jeux. Je ne sais pas si vous voyez, on, finalement, on doit s'assurer en fait, qu'on va être dans des modalités qui vont être positives pour soi dans un écosystème en vérifiant un petit peu la, on va dire, la stratégie de l'autre. Donc là, en fait, on cherche à avoir de la preuve et pas de s'assurer de la confiance. Alors que dans un état, on fait confiance à une autorité. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc à partir du moment où on peut se libérer de la confiance, on peut avoir un autre système, en fait. Et c'est ça qui est fort avec la blockchain. Ouais. J'ai justement une question. Comment ça fonctionne ce mécanisme par la preuve ? C'est parce que par la confiance, on est habitué. On voit bien, d'ailleurs, ça pose énormément de questions sur la centralisation, sur plein d'autres choses. Et moi, une des craintes que je me disais par rapport au Bitcoin, c'est que bon, c'est quand même un outil technologique. Et comme tout outil technologique, est-ce qu'il ne peut pas être centralisé aussi par ceux qui savent le mieux l'utiliser et... Donc, c'est, voilà, j'aimerais savoir mieux comment fonctionne par preuve. Alors, donc, le modèle par preuve, alors je vous parlais des modèles de consensus tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que en fait, les différentes personnes qui ont une copie du registre, on appelle ça un nœud complet, en fait, vont faire une sorte de compétition à la puissance de calcul pour avoir le droit de valider le contenu suivant et l'intégrer en fait, à la chaîne de blocs. Et donc, à partir du moment où on considère que en fait, c'est un modèle qui... On a plus intérêt à valider le contenu qu'à ne pas le valider étant donné l'investissement fait. Voilà. Et en plus, par ailleurs, on court le risque que d'autres personnes invalident le contenu en vérifiant. Parce que derrière, il y a d'autres personnes qui vont valider le contenu et s'il n'est pas valide, on part sur une autre chaîne et on a perdu tout l'investissement en énergie. Et par contre, on n'a pas les entités, les unités de valeur qui ont été promises à la personne qui intégrait le contenu suivant. Donc en fait, c'est ça en fait, le modèle de preuve. Après, il y a des preuves d'enjeu aussi. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'idée que ben, à partir du moment où on est un individu capitalistique, en fait, ben, ça part de ce principe-là, hein. À partir du moment où on a des unités de valeur et qu'on souhaite qu'elles gardent une valeur, on ne va pas jouer contre le jeu. On va jouer le jeu et s'assurer finalement de ne pas faire perdre de la valeur à ces unités, quoi. Parce que si on joue contre le jeu, on ne pourra même pas en fait, revendre ces unités puisqu'elles auront perdu toute leur valeur. Parce que là, et du coup, on repart sur la confiance, puisque tous les membres du réseau ont perdu confiance dans le système, mais dans le système, parce qu'il ne pourra plus apporter de preuves, en fait. Voilà. Et ouais, juste un tout petit élément, et vous parliez comment ça recentralise. Il y a une question, c'est celle du cloud et celle des mineurs. En fait, il y a eu une question de recentralisation avec des mineurs chinois, parce qu'il y avait vraiment eu une culture un peu du... quasi industriel en fait de fermage, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettaient des ordinateurs, enfin des cartes graphiques empilées dans des fermes, enfin des entrepôts de presque plusieurs kilomètres, et ils faisaient tourner ça à blinde. Et en fait, du coup, on s'est aperçu quand on regardait sur du mapping en fait que 60% du réseau était bah, détenu par des personnes qui faisaient ça en Chine en fait avec un. Des circuits imprimés qui coûtaient moins cher et aussi une électricité. Ils avaient réussi à avoir des deals avec des entreprises locales. Et après, on a vu que bah, ça s'était un peu calmé parce que les institutions chinoises étaient opposées et le relais a été pris par les entreprises américaines de cloud. Alors c'était des personnes du coup beaucoup plus beaucoup plus disséminées. Donc au niveau de l'administration en fait de ces clouds, ça posait pas de soucis. Mais potentiellement, en fait, si par exemple toutes ces grandes entreprises décidaient qu'elles coupaient, ben, ça coupait tout, quoi. Parce que voilà, on est administrateur de son cloud dans une certaine mesure. Celui qui détient ça, c'est Amazon ou autre, quoi. Peut-être moi deux questions, peut-être une partie écologique. Comment ils compensent la pollution carbonique de ce système-là ? Est-ce qu'ils ont une pensée sur ça ? Parce que ça reste de faire de la valeur, il faut automatiquement des PC, des serveurs, donc écologiquement, ça crée de la pollution d'avoir créé cette monnaie-là. Et deuxièmement, est-ce que cette monnaie risque aussi de recréer une bulle financière, vu qu'on en a déjà pas mal et que ça va bientôt péter, est-ce que ça peut jouer aussi sur accélérer sur les éclatements financiers qu'on a dans très peu de temps qui vont arriver, je crois d'ici, en plus je crois que c'est prévu pour cette année que les bulles financières éclatent. au niveau mondial. Alors sur l'aspect écologique, j'en ai dit deux mots. Effectivement, bah, c'est un élément en plus, donc de fait ça produit de l'énergie. Je pense que justement en fait on essaie de dépasser la preuve de travail et le système Bitcoin pour limiter l'impact écologique. Ça c'est vraiment l'idée. Après il y a aussi des systèmes vous voyez un peu ce que c'est les smart grids, les moyens un petit peu de partager en fait de l'énergie produite qui peut être difficilement stockée. Là en fait on a des modes d'incitation, ouais je vais mettre plus par là, des modes d'incitation en fait avec la blockchain pour en fait quand on met à disposition de l'énergie on a une contrepartie financière, on a des tokens qui sont attribués en fait à la personne, donc ça crée une économie du vert en fait potentiellement. Après voilà, là aujourd'hui c'est à une échelle trop petite pour que ça ait vraiment une incidence, mais ça permet de penser une vraie économie du vert. Après effectivement en l'état aujourd'hui il y a plus des incidences négatives puisque ça crée un nouvel outil technologique qui est quand même utilisé, on va pas dire à grande échelle, mais à une certaine échelle avec quand même des grosses déperditions. Mais ça reste terrible, enfin c'est comparable on va dire à l'impact énergétique de Visa. Vous voyez, enfin je veux dire, moi j'avais jamais entendu parler de l'impact énergétique de Visa avant de m'intéresser à l'impact énergétique de Bitcoin. Vous voyez. Enfin, on parle de... Bon, c'est périphérique presque. On voit que non, on voit que finalement, l'usage de l'informatique n'est pas périphérique dans l'empreinte carbone mondiale. Mais l'usage d'un petit point, ça reste quand même encore secondaire. Je dirais que voilà. Il y a eu beaucoup de bruit aussi autour de ça pour un peu discréditer l'usage. Hein. Je pense que voilà, hein, c'est aussi un moyen d'attaquer la tech par un biais. Hein. Voilà. Et je voulais savoir si, du coup, avec les créations de ces crypto-monnaies, est-ce que, du coup, il y a toute une nouvelle législation financière qui s'est créée en même temps ? Alors oui, en France, on a eu la loi Pacte qui a prévu un aspect sur ça. En fait, je vais parler tout à l'heure des modes de levée de fonds par blockchain. Les ICO, il y a eu donc un Visa qui a été mis en place par la loi Pacte et derrière implémenté par l'autorité des marchés financiers qui vise en fait à s'assurer que le consommateur va pas être trop lésé, que des informations fiables vont être données et donc l'AMF en fait certifie un certain nombre de levées de fonds. Il y a eu la première certification il y a 2-3 mois en France. Après il y a des équivalents aussi dans d'autres pays, ben, on voit que c'est toujours un petit peu les mêmes pays qui sont incitatifs. Hein. Dès qu'il y a de l'argent à se faire, ben, on voit que les paradis fiscaux se précipitent pour essayer de drainer les entreprises les plus performantes. C'est le cas en Suisse, à Malte, à Gibraltar, Singapour, c'est des pays qui sont vraiment très très très favorables à la blockchain dans sa dimension financière. Par contre des pays un peu plus grands et qui veulent contrôler aussi leur population ont une approche un peu différente. On voit qu'en France, bon, ben, il y a eu ce Visa qui est un peu un entre-deux. Mais par exemple en Chine il y a une vraie opposition autour de ça, l'État de New York s'est vraiment opposé, a même fait vraiment des actions contre des porteurs de projets blockchain, donc voilà, c'est très variable d'un pays à l'autre, mais il y a des étapes quand même très favorables. Je pense que la Suisse est peut-être à l'avant-garde dans ce domaine. Alors n'hésitez pas, tout le monde peut participer, hein, donc si vous avez des questions ou des choses à ajouter, ouais. Tu parlais brièvement de crédit social qui aurait été envisagé par l'Europe. Tu en sais plus là-dessus ? Alors, oh non, j'avais vu ça passer un peu. En fait, je m'intéresse beaucoup à la Chine. J'ai fait pas mal de recherches autour du droit chinois, en fait. Et du coup, quand j'ai vu ça apparaître en France, je me suis un peu inquiété. Mais j'ai pas vu de communiqué vraiment complètement officiel sur la question. J'ai vu que c'était un peu évoqué, qu'il y avait eu peut-être des éléments qui avaient un peu été évoqués, mais il n'y a pas eu quand même de vrai projet de loi, quoi. Donc c'est un petit peu comme avec la réforme des retraites, mais encore moins avancé. C'est difficile de se positionner tant qu'on n'a pas un texte. Enfin, moi, je sais que je m'appelle Mathieu ici, mais disons que ma profession m'empêche d'avoir une approche trop immédiate sur même si voilà, il y en a d'autres qui, dans la même profession, sont plus actifs en ce moment sur ces questions-là. Je préfère voir le texte avant de m'affoler. Voilà. Oui, on peut imaginer qu'il y a peut-être eu du lobbying qui a été fait dans ce sens-là et certains qui se sont inquiétés et qui ont posé. Est-ce que vous disiez qu'il y avait une sorte d'opposition ? En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été posé en prévention de si ça arrivait. C'est plus ça. Je pense qu'au niveau de l'Europe, enfin, Au niveau de l'Europe, il y a eu des pays qui avaient peut-être des plus mauvaises expériences que la France sur la question du crédit social. Je pense que l'Allemagne a quand même vraiment un devoir, enfin un devoir, une démarche de ça. Et je pense qu'ils sont pas prêts non plus à laisser passer des lois ouvertement liberticides qui rappellent des très mauvais souvenirs. Et je pense qu'aussi des pays qui étaient des pays de l'Europe de l'Est qui ont un peu mal vécu aussi des invasions un peu longues. Sur des modèles qui n'étaient pas les leurs, n'étaient pas prêts à laisser passer ça. En France, bon, on va dire qu'on a à la tête de l'État des gens qui sont pour l'expérimentation techno quand même, donc qui peuvent se dire que on est sur un mode de bac à sable. Ça, c'est vraiment la nouvelle expression pour expérimenter des technologies, pour voir quand même, pour pas prendre trop de retard au niveau de notre bassin technologique et entrepreneurial. Moi, je trouve que c'est une bonne chose en soi de tester. Mais après, il faut voir quelle autorité et avec quelle fermeté elle régule. Et il y a un point, là, justement, en croisement blockchain et IA qui est assez intéressant. C'est qu'à partir du moment où on met des données personnelles sur une blockchain ou, par exemple, qu'on laisse une IA en fait, se déployer, comment est-ce qu'on revient en arrière à partir du moment où, sur une blockchain, on ne peut pas supprimer du contenu si tout le monde n'est pas d'accord, par exemple? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc déployer ça sur le mode expérimental, c'est dangereux, même sur le mode expérimental. Donc voilà. Je crois qu'à Nice, ils ont déjà mis en place la reconnaissance faciale, non? Moi, ce que je me dis, c'est qu'une fois que la reconnaissance faciale s'étendra, la tentation risque d'être très très forte, quand même. Pour réagir sur ça, parce que tu en as parlé aussi un petit peu, c'est comme... Enfin voilà, on sait que la texte, ça peut être un outil entre guillemets neutre, mais ça dépend qui l'utilise. Et donc c'est toujours un petit peu ces questions-là. Et moi, l'autre truc qui m'inquiète un petit peu là-dedans, et je pense que c'est aussi une des grosses limites de son développement, c'est bon, déjà qu'on n'a pas l'impression de contrôler l'outil parce qu'on a du mal à comprendre. Alors qu'on contrôle absolument pas la monnaie, enfin, c'est clair. Mais déjà, c'était très long pour plein de personnes de passer à la carte bancaire parce qu'ils avaient l'impression de moins contrôler. En fait, on n'a pas de contrôle sur la façon dont fonctionne la monnaie et ils nous tiennent, entre guillemets, par ça. C'est-à-dire les aides sociales, le salaire, le reste. Enfin, ils nous tiennent par le fonctionnement de la monnaie beaucoup plus que par l'accès aux ressources qui dépendent de la monnaie. Enfin bref, j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Donc, on pourrait dire qu'on n'aura pas moins de contrôle. C'est plus une sensation de contrôle qu'on est habitué à avoir parce qu'on connaît, quoi. Et ce que je me disais, c'est que aussi pour beaucoup de personnes, là on le voit, ils essayent de numériser un maximum de choses, il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à ça, ça demande vraiment en fait une adaptation même cérébrale au-delà juste de l'habitude de le faire, qui est là accessible aux nouvelles générations. Je sais qu'on avait déjà une intervention sur les blockchains et même sur des termes que toi tu utilises, ben moi ça me semble hyper compliqué à saisir. Donc je me demandais si ça c'était pas aussi un gros frein, mais en fait la réponse est dans la question, mais surtout si ça va, enfin voilà, si ça ne rejoue pas une forme d'élite en fait par rapport à ceux qui sauraient tout juste s'en servir. C'est un peu la même question que tout à l'heure, mais là c'est un peu pareil aussi sur c'est le cas du fonctionnement de l'État maintenant. Enfin voilà, ceux qui connaissent le fonctionnement des institutions et qui connaissent la loi et les législations vont pouvoir l'utiliser dans leur sens. Que ce soit pour l'évasion fiscale ou d'autres choses, ceux qui connaissent moins. Donc, c'est est-ce que, en fait, je vais arriver à la bonne question mieux formulée. La blockchain peut être la blockchain ou les crypto-monnaies peuvent être accessibles de façon plus facile aux personnes qui les utilisent. Ça est très intéressant parce que c'est vrai que vouloir faire un outil qui est, on va dire, un peu plus démocratique, c'est une bonne chose. Permettre à tout le monde de l'utiliser, c'est préférable quand c'est ça l'ambition. Faut voir le niveau des interfaces en matière de blockchain, c'est quand même assez faible. La majorité des gens qui sont sur ce secteur sont vraiment des développeurs et pas forcément des designers. Moi, j'ai essayé de motiver des designers d'interface à en faire. C'est long. Là, on est en train de publier un numéro spécial dans une revue, une recherche sur la question du design dans la blockchain. Donc, c'est quelque chose qui qui commence à peine. Aujourd'hui, on est sur des modes de plugin qui sont vraiment pas faciles d'accès. C'est très compliqué. Dans Firefox, par exemple, vous avez une sorte d'extension Firefox, comme vous prendriez, une extension pour enlever les publicités, comme Adblocks. Là, vous prenez l'équivalent en fait pour pouvoir accéder à l'écosystème Ethereum quoi en fait. Et derrière, c'est pas quand même facile d'accès, on comprend pas bien le fonctionnement, on comprend pas pourquoi on doit payer pour envoyer du contenu sur une base de données. C'est vrai qu'il y a encore à mon avis un temps de latence. Après, il faut que des grandes institutions quand même se penchent sur la question. Et je pense qu'à partir du moment où on aura des crypto-monnaies d'État ou des crypto-monnaies d'institutions, peut-être que il y aura une forme de déconnexion entre on va dire ce. Enfin, il y aura une reconnexion, peut-être, voilà, entre les développeurs de cet écosystème-là et des vrais besoins de société. Là, moi, on avait monté une conférence l'année dernière, là, on l'a refait cette année à l'UNESCO, sur les usages de la blockchain. L'idée, c'est vraiment d'être aussi sur une démarche, avec des usages positifs, quoi, du financement social, d'une approche, on va dire, qui peut faciliter des populations débancarisées aussi, mais pas comme Facebook le fait, quoi. Penser des outils de développement, quoi. Penser aussi une manière de remettre à plat aussi certaines institutions, certains rapports de force. C'est aussi l'idée. Après. Est-ce que les interfaces aident à ça aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on peut les améliorer? Oui. Ça demande de l'argent, ça demande des implications, ça demande une vraie réflexion aussi de recherche, à mon avis, parce que c'est nouveau. Donc on va pas répliquer ce qui a été fait avant sur quelque chose qu'on prétend être complètement disruptif, mais dans le sens pas start-up du terme, quoi, dans le sens sociétal, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, hein, évidemment. Ouais. Et alors je pense que ça va au-delà de l'interface. Je me suis focalisé sur ça, je me suis un peu bloqué, mais parce que c'est vraiment un point qui me paraît important. Mais effectivement, rendre ça accessible aux gens, moi je suis ravi d'être là aussi, parce que du coup ça permet, je suis ravi en plus de parler à des gens qui sont pas dans le secteur, parce que sinon en plus on est toujours en vase clos, hein. Moi je vois un peu toujours les mêmes gens dans ce domaine là, même quand j'interviens ou quand j'échange ou même quand c'est plus vraiment du boulot, c'est toujours les mêmes gens avec un peu les mêmes références et le même point de vue qui sont déjà conquis sur le truc. Après moi je donne des cours à des étudiants, là je vois aussi que c'est pas forcément les technologies qui sont mises en avant par les enseignants, là c'est assez amusant, mais c'est pas la même la même démarche, quoi, finalement. Là, je suis pas du tout dans une démarche de formateur. Là, on est en plein échange avec des personnes avec des backgrounds complètement différents et pas forcément un intérêt immédiat pour la chose. Donc, pour moi, c'est super. Et je vous remercie pour ça, quoi. Merci à vous, parce que c'est. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Justement, j'avais lu cet article-là, mais aussi d'autres. Et franchement, je me suis posé plusieurs fois la question si j'ai pas un blocage. C'est-à-dire quand je vois un truc qui touche au numérique ou travail sur les ordinateurs, j'ai même demandé des fois à ce qu'on forme pour faire du code. Et c'est très dur, en fait. Et je pense que c'est vraiment un formatage de pensée à prendre. Ou pour moi, ça va être beaucoup plus facile de faire une disserte de philo, en fait. Alors que pour d'autres qui font du code, tu leur demandes de faire une disserte de philo, ils vont dire... Donc ça, je pense qu'il y a vraiment cette question du formatage. Mais peut-être que... sur des discussions comme ça, ça permet de faire des liens avec des choses qui vont plus nous venir à l'esprit en termes d'exemple. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ou on s'arrête là? D'autres? Non? C'est bon? Sachant que l'intervention va être enregistrée, sera mise sur le site et sur Facebook après. D'autres pourront la voir. Est-ce que tu veux faire une conclusion ou ajouter quelque chose ou... Non? D'accord, merci à toi. Et puis, nous, on va s'arrêter là et on revient samedi prochain, place de la République. C'est ça. Merci.